peu écarté de ses promesses qu'il a faites pour être élu, il n'aurait pas à se justifier vis-à-vis du camp qu'il a eu et qu'il dirigeait au mois de mars en faisant les élections. Si François Hollande n'est pas, thank you.